Bon matin à chacun. Pour ceux qui nous visitent ou qui ne sont pas là de façon régulière, on est dans le livre des Nombres. C'est un livre de l'Ancien Testament. Et Israël a quitté l'Égypte, où il était en esclavage. Il est rendu près du mont Sinaï. Et là, ils viennent de quitter pour s'en aller vers la terre promise. Et lundi, la semaine dernière, il nous a introduit au chapitre 11, où nous sommes ce matin. Et c'est écrit dès le départ, « Le peuple murmura ». Ça commence bien, hein? On est nourri, abondamment nourri, protégé par Dieu, guidé par lui, sous sa protection. Et puis le verset commence, « Et le peuple murmura ». Et je vous dis d'avance que ça ne sera pas différent aujourd'hui. Parce qu'on va continuer dans le même chapitre et je vais lire tantôt du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, verset 35. Je vais vous demander d'être patient. Et on va passer à travers en trois blocs. Je vais vous avertir d'avance, c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est intéressant que Philippe ait ouvert avec Jérémie 1, 16 à 19. Parce que dans son introduction, il nous a fait remarquer que Jérémie était seul contre le peuple. Et ça va être un peu le cas de Moïse aussi. Il va être un peu comme seul contre le peuple tantôt. Je vais vous le faire remarquer en cours de route. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si loin de nous. Ce n'est pas si loin de ce que vous pourriez vivre parce que vous avez une relation avec Dieu, parce que vous avez à cœur de leur parler de l'Évangile, de leur annoncer Jésus-Christ comme le Sauveur de l'humanité. Fait, vous pourriez vous retrouver aussi seul dans une situation avec personne d'autre qui croit ou qui ose croire. Alors, je vais commencer maintenant. Ce que vous voyez là c'est la convoitise. Hein? Ça va être notre sujet. En passant, le petit collier qui est là, il vaut 14 000 piastres. Ben, juste pour... Ben, il est en papier, là, il ne vaut pas cher, là, mais si vous vouliez l'acheter sur Internet, c'est 14 000 $. Mais la convoitise, c'est... je vais vous montrer. Excusez, je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Ça va venir. Je vais aller là. Ça, c'est bon? OK. Convoiter, c'est désirer ardemment ce que je ne possède pas. Mais ça pourrait être aussi ce que je ne possède plus. Donc, pour quelqu'un puis dans sa vie qui aurait été riche ou à l'aise ou avec des bons revenus, puis qui tout d'un coup, ou peu importe la circonstance, se trouve un peu plus démuni, ça pourrait avoir... la convoitise, c'est ce que j'avais avant. Ça peut me porter à désirer ce que j'avais avant. Mais convoiter, c'est aussi ne pas se satisfaire de ce que j'ai maintenant. Donc, ça va m'amener à critiquer, ça va m'amener à juger, ça va m'amener à chialer, ça va m'amener à détester ce que j'ai, et puis ça ne sera pas drôle pour les autres. Donc, dans Nombre 11, 4 à 35, voici ce que je vais découvrir avec vous. C'est qu'il y a trois effets de la convoitise sur le peuple de Dieu. Le premier effet qu'on va voir, c'est que la convoitise, elle va nous détourner de la grâce de Dieu. Ni plus ni moins, on est riche en Jésus-Christ. Le peuple, il est riche de par la présence de Dieu avec lui. Et ça, c'est la grâce, c'est un cadeau de Dieu. Et on va finir par s'en détourner à cause de la convoitise. La convoitise, dans un deuxième temps, c'est qu'il va décourager les engagés. Donc, on va voir tantôt que ça va être Moïse, le principal concerné, et que ça va avoir un effet dans sa vie. Dans la lecture, vous allez probablement le remarquer en passant. Et l'effet de la convoitise aussi, c'est qu'elle pousse Dieu à intervenir. Il ne peut pas tolérer ça au milieu de son peuple. Dieu est saint et il s'attend à ce que son peuple soit saint et qu'il réponde à son amour, à son affection. Alors, je vous invite à lire Nombre 11, à partir du verset 4 à 35. Si vous avez vos Bibles, juste tournez, je vais vous lire ça pendant les cinq prochaines minutes.

quoiqu'ils ne furent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées, 1 mètre, et au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins avait 10 homères, 360 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore dans leurs dents, entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hatahava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth-Hatahava, le peuple partit pour Hatseroth et s'arrêta à Hatseroth. Ce qu'on va regarder en premier, c'est que la convoitise nous détourne de la grâce de Dieu. Donc, ça commence par le ramassis de gens. De qui on parle? C'est lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Il y a des gens de toutes sortes qui ont accompagné Israël, qui étaient avec eux. En fait, c'est qu'ils étaient parmi eux, ils étaient mêlés au milieu d'eux. Et dans Exode 12, 38, il dit « C'est une multitude de gens de toute espèce. » Donc, au départ, ce ne sont pas des Israélites. Ce sont des gens qui sont des différentes nations, qui étaient là en Égypte, mais qui les ont accompagnés, qui sont avec eux. Mais ce ramassis de gens, ça va être la source de la convoitise et la source de ce qui vient après. C'est le déclencheur, ni plus ni moins. Et ça va se produire comme un crescendo. On part tout petit, pour ceux qui connaissent la musique comme Mans, on part tout petit et ça s'en va comme ça. Ça s'en va en augmentant. Et la façon dont c'est écrit, c'est que le ramassis de gens qui étaient saisis de convoitise, ils se sont mis à critiquer. Ils se sont mis à se détourner. Et regardez bien dans le même verset 4, qu'est-ce qui est écrit? C'est « De même, les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer en disant « Qui va nous donner de la viande à manger? » Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on pourrait dire, ça pourrait être juste de façon générale. C'est quelques-uns qui grenouillent là, dans le peuple et qui sèment la confusion, qui sèment le désordre. Et là, tout d'un coup, ça commence un murmure, ça fait comme un son qui s'amplifie dans le groupe. Mais le verset 10, il dit ceci. « Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. Et voyez à quel point que c'est insidieux que juste quelque chose de départ qu'on pourrait dire qui est tout petit, qui semble insignifiant, rentre en profondeur dans la nation. Et ce que ça fait, c'est que ça met Dieu en colère. Et ça, c'est pas à négliger. Parce que nous aussi, on est bénis, là, vraiment bénis de Dieu. On a plein de bénédictions qu'il nous accorde, ne serait-ce que de nous avoir appelés à le connaître. Regardez bien ce qu'ils disent. Il dit, « Nos yeux ne voient que de la manne. » Non, mais c'est-tu assez plate d'avoir à manger tous les jours la même chose? C'est bon, puis c'est sucré en plus. Puis je le ramasse le matin, puis j'en ai pour toute la journée. Je n'ai même pas à ramasser le restant. « Qui nous donnera de la viande? » On n'est pas satisfait de ce qu'on a. On n'est pas content de ce qu'on a. La convoitise, si elle n'est pas arrêtée, si elle n'est pas arrêtée dès le départ, elle va affecter tout le peuple. Donc, s'il y avait quelqu'un parmi nous qui se mettait à regretter, par exemple, son passé, qui se mettait à remettre en doute même son propre salut, on doit intervenir tout de suite, aller voir la conviction qu'il y a dans son cœur et s'assurer qu'il a bien compris qu'est-ce que c'est l'Évangile et de le ramener vraiment à la croix de Jésus-Christ. Parce que s'il veut retourner en arrière, et s'il veut, et ça va semer du doute, c'est ça que ça va faire. Ça va finir par semer du doute parmi les plus faibles. Fait qu'on doit, nous, être vigilants, vraiment attentifs à ce qui se dit. C'est pas négligeable, juste des murmures ou des convoitises, c'est pas négligeable. On peut pas passer à côté. 1 Corinthiens 5, 6, il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Et dans le contexte de 1 Corinthiens, c'est qu'on parle que le levain, c'est la méchanceté. C'est ce qui est mauvais dans le cœur de l'homme et qui va se manifester. Et dans un pain, si vous placez du levain, vous n'avez pas besoin d'en placer gros. Moi, je n'en fais pas de pain, je ne connais pas ça, là. Mais si vous en avez déjà fait, vous savez que la pâte, elle va partir de assez plate, puis elle va gonfler pas mal vite, dans la nuit, je pense. Et le lendemain matin, vous êtes capable de cuire, vous allez manger un pain chaud, avec du beurre, évidemment. Mais vous allez voir que ça va lever de façon radicale. Et nous, il faut veiller sur les petites murmures. Et un murmure, c'est pas très fort, hein? En sourdine, tranquillement, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas négligeable. Éphésiens 2, 1 à 6, je vais vous le lire. Et ça, c'est la position que nous, les enfants de Dieu, on a. La position que Dieu nous a donnée. Je suis dans Éphésiens. Ça ne sera pas long, j'arrive. Éphésiens 2, 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est en Égypte. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. La chair, ça, c'est notre moi, ce que lui veut. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme en Égypte, on était comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait ensemble asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est passé d'un monde d'esclavage, de misère, de souffrance, à un monde glorieux. C'est radicalement opposé. Romains 13, 14. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses désirs. Ça, c'est un choix personnel qu'on doit faire. La chair, elle a des désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Carrément, radicalement opposés. Et Dieu nous dit dans Galates, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Fait qu'on a un choix, nous, dans notre marche de tous les jours. Le deuxième effet de la convoitise sur le peuple de Dieu, c'est qu'elle décourage les engagés. Ça va concerner principalement Moïse. Au verset 11, ça dit que Moïse, il fut irrité. Il fut attristé. Il fut affligé. Pourquoi? Il a un peuple à côté de lui et il sait ce que ça l'a coûté à Dieu. Pour, premièrement, les délivrer de l'esclavage de l'Égypte En fait, les fléaux, c'est à travers lui que Dieu a agi contre la nation d'Israël pour les libérer. Ils ont passé à travers la mer Rouge à pied sec. Ici, on compte l'armée de 603 550 hommes de guerre, à part les femmes, à part les enfants, à part les troupeaux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, et les Égyptiens n'ont jamais été capables de les rejoindre. Ils n'ont jamais été capables de les atteindre pour les faire mourir. Qui les protège? Dieu est en avant dans la marche pour marquer la voie. Il est aussi en arrière dans une colonne pour empêcher l'ennemi de venir les attaquer. Moïse est profondément attristé parce qu'il sait comment Dieu lui parle. Il l'a entendu sur la montagne. Il a vu toute sa manifestation parmi son peuple. Lui, il est triste. Et regardez bien ce qui se passe. Dans le texte là, du verset 10 à 17, savez-vous combien de fois que ça concerne Moïse? Dans 7 versets, 17 fois, Moïse va s'adresser à Dieu en parlant de lui-même. Fait que si on pense que les murmures n'affectent pas ceux qui dirigent ou n'affectent pas ceux qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans votre marche, c'est non. C'est certain que ça les affecte. Nous, on a des attentes. En fait, tous ceux qui côtoient un plus jeune et puis qui l'aident dans sa marche, il a comme des attentes que la vérité va prendre place dans sa vie, sa vie va être transformée. Il va être à son tour venir m'exhorter, on va marcher ensemble, ça va être un plaisir extraordinaire. Mais Moïse, lui, il ne voit pas ça chez les siens. Il dit, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple-là? » Et regardez bien ce qui suit en même temps. Il dit, « Où pourrais-je, moi, leur donner de la viande? 600 000 hommes. » Est-ce que je vais porter, moi, encore tout le temps ce fardeau-là, lourd, ce peuple lourd, qui chiale, qui courait, est-ce que je vais porter, moi, tout seul? Il dit, ôte-moi même la vie, tue-moi, Dieu. Voyez à quel point ça vient affecter en profondeur le berger que Dieu leur a donné. Juste parce que ça décolle d'un petit murmure tranquille, sournois, mauvais, puis qui affecte tout le peuple. Et que là, on n'est plus satisfait de notre situation, on n'est plus satisfait du salut que Dieu nous a donné, on n'est plus satisfait de la manne, de la nourriture céleste qu'il nous donne à tous les jours dans sa parole, et que là, on veut retourner en arrière, on oublie les concombres, c'est bien beau, oui, avec des chaînes aux pieds. Le peuple, de son côté, il pleure, il est mécontent de la manne. Ils oublient ce qu'ils ont reçu par pure grâce. En fait, ça ne leur a rien coûté. Quand vous dites, là, rien coûté. Eux autres comparent ça à de la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte. Ça ne nous a rien coûté, nous autres non plus. Oui, mais vous souffriez. Des traces de foi dans le dos, c'est pas drôle, là. Ils comparent leur vie présente au passé. Mais pourtant, ils ont vécu dans les chaînes. Ils méprisent en réalité ce que Dieu leur donne gratuitement. Et je souhaite que ce ne soit pas ça que vous vivez. Que vous n'êtes pas dans une période de votre vie où que tu regrettes d'avoir donné ta vie au Seigneur parce que tu rencontres l'opposition. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas t'écouter, puis en plus, ils font partie de ta famille. Mais je souhaite que vous n'avez pas le goût de retourner en arrière dans l'esclavage du péché où on était. 1 Corinthiens 5, 7 à 8, il dit, « Faites disparaître le vieux levain. » On a parlé du levain tantôt, hein? Le levain de la méchanceté. « Faites disparaître ce vieux levain-là. Célébrez la Pâque avec le levain de la pureté et de la vérité. » Ça, c'est ce qui fait partie de nos vies. C'est ce qu'on veut nourrir, entretenir. Et il continue dans 1 Corinthiens 5, « Jugez ceux du dedans, donc ceux qui sont parmi nous, ou même ce qui est en nous, jugez ça vous-même, là, et ôtez le méchant du milieu de vous. Faites taire la critique, faites taire la convoitise. » Hébreux 13, 17, il va l'appliquer aux dirigeants. Il va dire, « Obéissez vos conducteurs, parce qu'ils ont à rendre compte de vos âmes. » Moïse a à rendre compte devant Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, que si Dieu ne l'aide pas, ne vient pas à son secours, Moïse préfère mourir. Pourquoi? C'est trop lourd à porter, Seigneur. Ça prend du courage d'être avec ton peuple. Ça prend du courage pour l'entraîner. Ça prend du courage pour le reprendre. Et puis en retour, il chiale. Voyez à quel point que ça peut être pénible, mais il dit, obéissez à vos conducteurs et afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Moïse est rendu, lui aussi, à souffrir. Il y a de la douleur. Il est attristé. Ma souris vient de disparaître. Où vous la voyez? Dans l'écran. OK, il y a quelle place qu'elle va rentrer, là? En bas? Hey, vous êtes bon. Vous êtes bon pour moi. Quelle est la bonne attitude qu'on doit prendre? C'est celle-là. Hein? Obéissant. Le troisième effet de la convoitise dans le peuple de Dieu, c'est que ça pousse Dieu à intervenir. Donc, ils vont intervenir envers qui en premier? Ils vont intervenir envers Moïse. Il va dire, Moïse, j'ai entendu. Non seulement j'ai vu et j'ai entendu ce que tu vis, et je vais te secourir. Je vais intervenir en ta faveur. Je vais te donner 70 hommes qui vont prendre des jugements qui sont moins, qui ont besoin de moins de connaissances, je vais dire, là. Je vais te prendre 70 hommes que tu vas avoir auprès de toi et qu'eux autres vont juger les situations qui sont moins pénibles. Mais les situations qui ont besoin de plus d'observation, plus de connaissances de moi, je vais te les confier à toi. Mais rappelez-vous que dans l'Église, c'est la même chose. C'est que Dieu veut qu'on travaille ensemble. Donc, Moïse ne va pas être tout seul, il va en avoir des collaborateurs avec lui, mais rappelez-vous dans Actes 3, hein, au verset 1, quand Pierre et Jean, on se rappelle que Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, il a versé son esprit sur ses disciples, et là, il les envoie en mission, il envoie annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Actes 3, Pierre et Jean, ils s'en vont au temple. Vous vous rappelez, il y a un paralytique qui est à côté. Mais la beauté ici que je veux faire remarquer, c'est qu'ils sont deux. Donc, ils ne sont pas tout seuls. Donc, dans la pensée de Dieu, de travailler ensemble en équipe, c'est toujours présent. C'est toujours, toujours présent. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est dans Acte 13, verset 2, c'est que Paul et Barnabas, Dieu va les appeler à aller en mission, et ce n'est pas rien, là. Ils vont s'en aller dans toute l'Asie, la Grèce, la Macédoine. Ils vont tous aller dans cette région-là. Et même Paul, il va se rendre jusqu'à Rome tantôt. Mais ils sont encore deux. Et tout le long de l'annonce de l'Évangile, il y a toujours des couvriers avec lui, que ce soit Tite, Timothée, Silas, et nommer les autres pour ceux qui sont capables. Mais il y en a plein. Il y a toujours quelqu'un. Ils ne sont jamais seuls. Et pour combler, pour un peu calmer Moïse, Dieu a dit, « Mais regarde, la viande, là, je m'en occupe. Moi, je sais où ils sont, premièrement. Je vais les faire venir. Et puis, je vais les nourrir, moi. Je vous ai nourri depuis que vous êtes sortis d'Égypte. N'inquiète pas, je vais encore les nourrir. Je vais les enseigner, mais je vais les nourrir. » En fait, Dieu va donner la viande pour faire taire le peuple, pour leur montrer qui est Dieu. Et surtout, leur amassis de gens au milieu de la nation, ils ont besoin de savoir qui est Dieu. Vous ne connaissez pas des cailles? Vous connaissez juste des concombres, puis de l'ail, puis ça fait de même. Ça, c'est être les assaisonnements, pas de l'assiette. Moi, je vais vous mettre de la viande. Au point, vous allez en être écœurés. Ça va vous sortir par les narines. Et ça, c'est ce qui chiale. Qui va nous donner de la viande? À quelle place que je vais prendre ça, moi? Ça devrait changer un jour. Bon, voilà. Dieu intervient en faveur de Moïse, mais il intervient contre ceux qui le méprisent. C'est écrit au verset 20, qui n'apparaît pas, que je vais essayer de vous donner. Là, il intervient envers ceux qui ont pleuré devant lui. Quand on dit pleurer, là, c'est pas pleurer dans le sens de supplier parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est chialer, vraiment. C'est pleurer, se plaindre. Maman, pas encore du gruau à manger demain matin. Vous voyez à quel point? Et c'est bon en plus, là. Vous allez mettre de la cassonade ou du sirop d'érable dedans. Avec des toasts, s'il vous plaît. Mais la colère de Dieu va s'enflammer. C'est comme dans le texte que Landry vous a soumis la semaine dernière. Et une grande plaie va survenir. C'est marqué au verset 34 qu'on va enterrer les morts. Je vais vous amener le psaume 78. Landry il a commencé à le lire la semaine passée, mais dans la même suite de son passage, le psaume 78, le verset 30 et 31, regardez bien. Et ça, c'est écrit pas mal plus tard, hein? Ça veut dire que l'événement a tellement marqué Israël que le psalmiste qui a écrit le psaume 78, il nous dit, il le rappelle à Israël. Il dit, verset 30, « Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. » Et le psaume 106, le verset 14 dit, et 15 dit sensiblement la même chose. « Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps jusqu'à mourir. Pleurer à Dieu quand on a besoin de lui pour nous secourir dans la misère, je dirais c'est la chose à faire. Mais pleurer parce qu'on n'est pas content de ce que Dieu nous donne, pleurer, se plaindre quand on a le ventre plein, quand on habite des maisons chauffées, alors que pour Ruth, il fait moins 12 dehors. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. C'est pas démontrer à Dieu de la reconnaissance. C'est pas démontrer à Dieu qu'on est content de faire partie de son peuple. Et c'est pas démontrer non plus à ceux qui nous entendent que notre Dieu est bien plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer, là. Ce qu'on a vu, c'est l'effet de la convoitise. Ça nous détourne de la grâce de Dieu. Détourner, c'est que ça nous en éloigne profondément. C'est qu'on en finit par oublier qui on était et où on était. Ça décourage les engagés. Donc, pour ceux qui sont autour de vous, qui sont engagés, qui vous soutiennent, vous supportent, vous enseignent, prenez-en soin de grâce. Et ça nous pousse, ça va pousser Dieu à intervenir. Donc, vous ne voulez pas être sous la colère de Dieu. Parce que dans le texte, il nous l'a dit, il y en a qui sont morts. Et ceux qui étaient parmi les plus vigoureux, on pourrait dire, là, les jeunes dans la force de l'âge, tu leur donnes une épée, puis regarde, faites attention, ça va tomber en avant, là. Eux meurent. Donc, parmi tes meilleurs soldats, il y en a qui vont mourir. Romains 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'Esprit, si vous marchez selon l'Esprit, vous vivrez. Donc, nous, on doit refuser la convoitise. Contente-toi premièrement de ce que tu as. Vous allez vous asseoir peut-être dans le temps des fêtes, là. Un souper avec la dinde et une table pleine. Là. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous où vous êtes né. Rappelez-vous que tout ce que vous avez, ce n'est que par pure grâce. Vous n'avez pas mérité de vivre au Québec. Vous auriez pu être à Gaza. Vous n'avez pas mérité d'avoir des vêtements sur le dos. Vous pourriez être dans la rue. Vous pourriez être un clochard. Vous pourriez être un mendiant. Rappelez-vous tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez reçu par pure grâce. Priez pour ceux qui vous enseignent, pour ceux qui sont près de vous et qui vous aident à persévérer dans la foi, parce que ça ne sera pas facile. Là. Si on pense qu'en venant au Seigneur, que la vie va être facile, on va marcher comme sur des nuages avec des anges qui nous servent, ce n'est pas comme ça. Parlez-en à ceux qui ont 40, 45 ans de vie avec le Seigneur. Lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir qu'il y en a qui ont été décapités. Mais si vous vivez des situations difficiles, comme Moïse en vivait, si vous êtes en questionnement, la beauté qu'on voit dans le texte, c'est que Moïse est allé voir Dieu. Il avait beau lui exprimer toutes ses émotions, tous ses sentiments, il avait beau même avoir le goût de mourir pour ne pas continuer, là, mais il est allé à la bonne place. Il est allé voir Dieu. Et Dieu a répondu, vrai? Qu'est-ce qu'il lui a donné? 70 anciens pour l'aider, l'assister dans les jugements du peuple. Qu'est-ce qu'il lui a donné d'autre? Il a donné la manne, il a donné de la viande, puis il a dit, garde, occupe-toi pas de ça. Moïse, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. On n'aura pas la solution à tout dans nos vies, hein? Mais Dieu l'a, lui. Ah ben, regardons ça. Je vais prier.